apéro Missouri Tropique. What you gonna do when your baby leave you? What you gonna do? What you gonna do when your baby leave you? Tell me what you gonna do. The precious girl when they punch it from when. When they table it from when. San Marquero, a todo yo les dedico este ritmo de costeño, aire de porro bonito. Es un ritmo muy sabroso de toda Colombia entera. Gocen todos este porro antes que llegue la guerra. Très chers Ajdariennes et Ajdariens, bonsoir. L'équipe Sous les Tropiques vous souhaite une excellente année 2023 musicale. Bienvenue dans le 145e Apéro Mix Sous les Tropiques pour la radio du Mix et Culture, la radio HDR. Pour cette première sélection vinyle de l'année, nous vous proposons un petit voyage musical de 2 heures du côté des Antilles. Entre la Guadeloupe et son Guoca, la Martinique et sa Biguine, les incursions musicales du côté de l'île de la Dominique et de son Cadence Slipso, entre Cadence Compas Haïtien ou Cadence Disco de Guyane, vous allez ensoleiller votre soirée. Vous écoutez en ce moment en fond sonore l'excellente Biguine Manze Mona de Raphaël Zachi et son orchestre accompagné par Gérard Valton. Morceau sorti à la fin des années 60 sur le mythique label antillais Deads. Durant la première heure de cet apéro mix, vous allez entendre Eric Kozak et le morceau joué Zizipan, l'orchestre Esperanza et Jean Leroy ou Pabel, Super Combo Croque Messieurs, les Léopards Nous Bien Pranfait, les Rapaces Filles à Présent, Liquid Ice Femla, les Maxels Les Darlan, Joby Valente Souple et Ginette Démarrez Moi, Robert Mavounsi Quartet Henri Tev Les Maillés, Tabou numéro 2 Flipella, Rico Epio Pacolella, la Selecta Martinique Money First, Bel Combo Musique à Nous, et pour terminer l'excellent morceau I Am Black d'Albernado. Bonne écoute, et l'on se retrouve dans une heure pour la présentation de la seconde partie de ce 145e Apéro Mix Sous les Tropiques spécial Antilles. Si la place, la victoire, en madame, si on toi, c'est Timon Apela. Oh oh, oh oh, c'est Timon Apela. Bacanica, moi. Kili Kila, c'est à moi. Bacanica, moi. Poignoi, là, c'est à moi. Bacanica, moi. Nous jouer ma botou. Bacanica, moi. C'est folklore en nous. Zizi, papa, papa. Zizi, papa, papa. Zizi, papa, papa. Moi, calé soldat, moi, calé l'armée. Zizi pa pa pa pa, zizi pa pa pa pa, zizi pa pa pa pa, mwen kale soldat, mwen kale l'armée. En vieux madame qui a crié moi, un garçon pas oublié, Martino c'était ma beau et un monde c'est qui le kiki, à la pointe des cas joué noir, si canal c'est tout pis à prête, la victoire c'est qu'on n'y connaît, on y est là où qu'à voyager, pour qu'à voyager, pas oublier pour le pays là. Y aller à la boucherie, contrer avec des pans, demander yo la yo calé, pas qu'à soupeke y a yo calé, dormir à Kamanjo. Y'a dit vous venez à casa moi, c'est ni ma boutou, c'est ni kikiliki, c'est ni des tinois, à nous aller nous gagnons miser nous. Ça y ni vieux jambes, point d'ouvant. Tous animaux qu'on aide, caillou blé. Foufou, mais c'est ni ni chai. Depuis la pli qu'a tombé, chien qu'a brillé, y qu'a fait casaï. Toilette, papier, de la terre. Et bien l'idée qu'il rencontre. Thank you. Marina moins belle, Marina moins belle, Marina moins belle, belle, belle, pour moi son zombie. tenu bien longtemps. Je tout vois qu'on met là. Tout le monde peut commander. Ça y capote bas nous. Les anciens toujours dit qu'on met c'est mal à nous. Mais les savants gardés, ils dit qu'on met c'est en chaîne d'étoiles. Mais quelques mois après, la radio annonçait Dorothy qu'arrivait. Prends toute précaution nous. Les anciens bien prédit qu'on met c'est en présent. Nous qui gardons qu'on nous la prochaine fois pour nous pas prendre faire. Oh, la jambe. 145e apéro mix sous les tropiques, spécial Antilles pour la radio du mix des cultures, la radio HDR. Thank you. mais s'écouter. J'écoute ça bien. Les dolons c'est les hommes, les lans c'est les femmes. Les opinions débarquées, parce qu'on t'y vacances. On t'y vacances pour un plou. Quand on y a pour t'en vine, y a t'en vine pour un mois. Et vous restez des mois. Ça t'es bon, restons-moi en plus. Yo t'es toujours si plage, à d'un grand barbecue, à d'un grand black party, et à d'un grand michoui. C'est dit que ça t'es bon, restons-moi en plus. Yo t'es toujours si plage, à d'un grand barbecue, à d'un grand black party, et à d'un grand michoui. Sous les tropiques, spécial Antilles pour la radio du Mix et Culture. Marie était vlée maillée, il était vlée ça, ça était vlée, c'était maillé. Mais je disais vous fusez ça, à présent il qu'a regretté. Marie était vlée maillée, il était vlée ça, il maillé, il bien maillé. Et Gisèle qu'a gardé ça, à présent c'est qui qu'a pleuré. Ça, mon apprenne qu'à rigoler, rigoler du ça. Mon apprenne qu'à rire ça, mon apprenne qu'à discuter, discuter du ça. Mon apprenne qu'à rire ça, mon apprenne qu'à rigoler, rigoler du ça. Mon apprenne qu'à rire ça, mon apprenne qu'à discuter, discuter du ça. Mon apprenne qu'à rire ça, mon apprenne qu'à rigoler, rigoler du ça. Mon apprenne qu'à rire ça, mon apprenne qu'à discuter, discuter du ça. Jusqu'à temps soleil couché. Mais à présent, Dizé a si la place de Nevey à Dizé pour garder Michel sorti. Dans soleil couché, mais à présent, si t'es assis la place de Nevey à Dizé, pour garder Michel et sorti. tout jambe gâté, doudou a trop serré. Ou ka joué, mais ou ka tout mal erré. D'après ou ka ou ka échiré, tellement li ka gonflé. Et même si zi ou fermé, ou ka vrai trop collé. Toute la nuit, tout la ka si porté. Jalousie ka fait ou tremblé, et ou ka vide en tot vert. Ou te kem les jours ouverts, pour qu'on se mal arrêté. Tin ka di, que moi c'est on courait. En attendant ka souffrait, passé lien préféré. Et ti ke ou ka palpite, e apéro mix sous les tropiques spécial Antilles pour la radio HDR. Moi pas mandant manger biftec, mi si bien moi aussi bon. Si moi les ouais la tout est fait, mi si moi qui achète billet moi. Si ou pas ni l'argent pour payer moi, quittez moi, bap misère moi. Ou les livres à péter, au moins faut couper la. Dans la salle danser, yo tout ka attendre. Nous pas ni ambiance, c'est ça yo tout ka dit. Avant nous brancher, yo tout ka bougonné. Là nous commencer musique la ka augmenter. C'est pour voir comment yo tout ka chômé. En Enfin, y'a un morceau de musique qui a applaudi. Mais toujours du mille et monde qui a critiqué. Pour nous jouer, musique à nous. Pour nous pisser, musique à nous. Pour nous coûter, musique à nous. Avant de critiquer, musique à nous. Le son de l'orchestre, c'est un son qui est très unique. Nous tous qu'à joyer, nous qu'à jouer musique. Nous qu'à observer, c'est ça, ça tout aimé. Les autres contentés, ça qu'a fait nous plaisir. Vous acceptez musique à nous comme nous jouer. Le joie de la vie nous en musique nous. Mais pas changer ça nous j'a commencé. Pour réfléchir avant où ça mal parlé. social I die. I am black, that's why I left my home. I am French black, we have each wife. Oh yeah. On Barber's ghetto, I am black, so this ain't my home. I was born black, they let us fight so wild. Vous venez d'écouter l'excellent morceau I Am Black de l'artiste Albert Nadeau, paru en 1977 sur le label Soultone, label de l'île de la Dominique et du leader du groupe Exile One, Gordon Anderson. Quant à Albert Nadeau, il n'est autre que le chanteur du mythique groupe martiniquais Les Léopards. Pour la seconde partie de cette sélection vinyle spéciale Antilles, vous allez entendre le Super Stern et le morceau Nec Souffrant, morceau sorti en 78 sur le label Disque Vacances, puis on enchaînera ensuite avec Midnight Groovers, Femme des Bars. Le Super Schle Palais Sa Rivero, Kumbit Lagayo, les Black Affaires Sa Wake, les Vikings de la Martinique déposaient les armes, puis les Vikings de la Guadeloupe, Titong et Titong, le groupe Galaxy, Musique et puis c'est tout, la Perfecta Fleshcan, Tuco et les Frères des Gens, et le morceau Cyrilien, et pour terminer, le morceau Dans la Vie de la Selecta Internationale. Bonne écoute de cette seconde partie de cet apéromix sous les tropiques spécial Antilles. De fam mette yo ka babye A boye transport konme samdi pase La mer voati la rele a wete Yon a wete men lot la mette ka chante etande La la la la la la Esay ka chante pe sa kosole La la la la la la Oh no Esel bagay ki sa a wete fam la Mama, essaye qu'à chanter puis ça console. La la la la la. Oh oui, et ça le bagaille qui ça a witché. Papa, si me vois faire mes débats comme ça. Femme gros chapeau la mettez qu'à chanter ta nuit. La la la la la la. Oh non, essaye qu'à chanter, puis ça qu'au soleil. Oh, yo, yo. La la la la la. Maman, essaye le bagaille qui ça a witté, femme là. La la la la la. Oh non, essaye qu'à chanter, puis ça qu'au soleil. Funky brother, what about Dennis boy? Come on, brother. La la la la. Oh no, it's like a chante de saco sole. La la la la. Mama, it's a bagay ki sa awete famla. Femme la fâchée, fâchée, fâchée, j'y t'ai capété. La la la la la. Messieurs, et c'est le bagaille qui s'a ahouité. Tout partout, femme, il y a un débat. On ne va pas corriger, on va pas corriger ce salaud. Dans la place, dans la boule, dans l'église, dans la prédicte. Oh, yo, yo, la, la, la, la, la. Mama, et ça va gagner ça à ouvrir les femmes. Oui, son vérité, moi j'ai remarqué. Mais faut pas faire franciser à les hommes. Pas laisser ça arriver. Demain, pour les regretter. Thank you. Yo tu plus chiré, chien qu'a déchiré. Oui, son vérité, moi j'ai remarqué. Mais faut pas me conciser à les hommes. Pas laisser ça arriver. Se que pica mal.

145e apéromix sous les tropiques, spécial Antilles pour la radio du mix des cultures, la radio HDR. Yeah, travail. Musique, tu n'en auras qu'à faire rigolade. Musique, sans travail quand tout travail. Musique, sans vite qui rêve. On le monde qu'à tuer aux musiciens. Mais musique, ni mon aïe. 145e apéro mix sous les tropiques, spécial Antilles pour la radio du mix des cultures. Oui. C'était le 145e Apéro Mix sous les tropiques spécial Antilles pour la radio HDR. Nous vous souhaitons un bon début d'année 2023 accompagné de la radio du Mix des Cultures et nous, on termine cette première sélection de l'année avec le morceau Dans la vie de la Selecta International, morceau sorti sur leur album Folly With You et sur l'excellent label 3A Productions. Rendez-vous dans un mois sur les ondes d'HDR pour le prochain Apéro Mix sous les tropiques. We'll be right back. yeah.